Le spectacle artistique d'ensemble des enfants des écoles maternelles de tout le pays, consacré au 40e anniversaire de la publication de l'œuvre classique du président Kim Il-sung, thèse sur l'enseignement socialiste, a eu lieu le 4 septembre au Palais central de la jeunesse à Pyongyang. Y ont assisté Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres du secteur de l'enseignement et du secteur intéressé, les enseignants et les chercheurs des écoles supérieures et des écoles de tout échelon de la ville de Pyongyang, les enseignants qui se sont installés volontiers dans les écoles annexes aux îles, dans les écoles de la zone de la première ligne du front et des régions reculées.